Bonjour, ici Valérie Levé au microphone sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec la science avec Futur Simple. Et aujourd'hui, imaginez-vous, nous avons rendez-vous avec Johannes Kepler, Guillaume d'Ockham, Émilie Duchâtelet, Napir Azoudelam, Nicolas Copernic et bien d'autres. Certains de ces noms vous disent sans doute quelque chose, d'autres vous sont inconnus, mais toutes ces personnes des temps passés ont un point commun, elles ont reçu une lettre du futur. Un scientifique d'aujourd'hui leur a écrit. Ça vous intrigue? Eh bien, l'énigme vous sera révélée à 18h30. Mais avant, pour vous faire patienter, nous allons découvrir, démystifier la captation et la séquestration du carbone, un sujet abordé à l'occasion de la COP28 et qui va immanquablement revenir dans l'actualité scientifique et même politique. Pour en parler, je reçois Louis-César Pasquier, qui est professeur au Centre Eau-Terre-Environnement de l'INRS, ici à Québec. Et il travaille justement sur la captation et la séquestration du carbone. Bonjour Louis-César. Bonsoir Valérie. Alors, dans le jargon, la captation et la séquestration du carbone, on appelle ça la CCUS. Mais en fait, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous démystifier, nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire en gros, la CCUS? Ouais, pour être parfaitement français, on va parler de CUSC, donc de capture, de stockage et d'utilisation du carbone. Comme le nom l'indique, on commence par la capture du CO2. Donc le CO2, le gaz qui nous intéresse, c'est le principal gaz à effet de serre que l'on émet et qu'on veut effectivement réduire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a très peu, c'est anecdotique, des cheminées qui émettent un gaz qui est pur ou qui est concentré en CO2. On va le retrouver dans les fabrications d'engrais ou ces choses comme ça. Mais globalement, le CO2, il est très dilué. Puis ça vaudrait aucunement la peine, ou du moins on n'aurait aucun intérêt à vouloir aller chercher le CO2 tel qu'il est mélangé dans de l'azote, dans d'autres types de gaz. Donc la première étape, c'est d'aller chercher le CO2 puis de l'isoler pour en fait ne travailler ou n'avoir que le CO2 à la fin. Donc ça, c'est le procédé de capture. De le capturer directement de l'air. On peut le faire de l'air, mais on peut surtout... Chercher des sources plus concentrées. Exactement, d'accord. Parce que le nerf de la guerre, c'est que plus il est concentré, plus c'est facile à faire. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais. S'il y a plus de CO2 dans notre gaz, ça va être plus facile d'aller le chercher. Ça a différents avantages. Donc effectivement, on va historiquement aller chercher le CO2 dans du gaz naturel. En fait, la capture du CO2, le procédé de capture du CO2, il est utilisé depuis 1930 pour raffiner le gaz naturel qui contient un peu de CO2 quand on va le chercher dans le sous-sol. Donc, c'est pas quelque chose qu'on découvre ou du moins qu'on est incapable de faire. La difficulté, c'est aujourd'hui d'adapter ce procédé-là à des cheminées industrielles ou même encore de l'adapter à la capture de l'air. Donc ça, c'est pour le côté capture. Ensuite, il y a la séquestration. Donc ça, c'est quoi? Peut-être juste pour continuer un peu sur la capture. La capture, c'est en deux étapes. Première étape, on va chercher à mettre le gaz dans une situation où un liquide, un solvant ou un matériel solide va avoir de l'affinité avec le CO2. Donc on va se mettre généralement dans des températures assez basses ou des pressions élevées pour que notre solvant ou notre matériel absorbe le CO2. L'absorption, c'est une réaction qui est réversible. Donc on comprend que la première étape, j'absorbe le CO2. La deuxième étape, je fais la réaction inverse, c'est-à-dire que je relibère le CO2. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'isoler le CO2 des autres types de gaz. On le relibère, mais en le gardant confiné. Exactement, sous forme gazeuse. Ouais. Et on va aller le comprimer. Pourquoi est-ce qu'on va le comprimer? Parce que ça va prendre beaucoup moins de place. Mmh. Et quand c'est comprimé, le CO2, surtout quand on atteint l'état supercritique, il est plus facile à être déplacé. Puisqu'effectivement, avant de le stocker, c'est aussi malheureusement assez rare de trouver une source potentielle de CO2 sur laquelle on va installer une unité de capture proche d'une unité de stockage. Donc il va falloir souvent, du moins, intégrer la notion de transport. Et ce transport-là va se faire soit par pipeline, soit par bateau, soit par train, et éventuellement par camion si on est sur des courtes distances. Mais on est d'accord qu'avec les volumes de CO2 qu'on doit aller chercher, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant. Ok. Donc là, on l'a capturé. Bon, on a vu qu'il y avait deux étapes. Il faut d'abord l'absorber, puis ensuite, il faut le restituer dans quelque chose, puis le comprimer ou le rendre dans un état super critique. Exactement. Super critique, c'est ce qu'on utilise pour, entre autres, décaféiner le café. Hein. Ah c'est, ouais? c'est assez connu, l'utilisation du CO2 super critique. Elle est diverse, elle n'est pas que pour le stockage. Mais l'intérêt, c'est qu'il va avoir à la fois des propriétés d'un gaz et celui d'un liquide. Donc, on comprend qu'il est plus facile à pousser, un peu moins compressible, mais il se diffuse assez bien, il est assez léger, donc c'est ce qui fait qu'il est intéressant à ce niveau-là. Et donc là, on peut le transporter pour aller le séquestrer? Exactement. Donc la question, c'est on le séquestre où? Bon, alors on va le séquestrer ou le stocker dans une formation géologique. On va parler de stockage géologique. Une formation propice au stockage, c'est soit un aquifère salin profond, soit un ancien réservoir de pétrole et de gaz, soit des veines de charbon, mais c'est moins évident. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'une roche qui est poreuse au CO2, c'est-à-dire que la roche, au même titre qu'un aquifère, laisse passer de l'eau, mais là, cette roche-là doit laisser passer le CO2, ou du moins le CO2 doit pouvoir diffuser dans la roche. L'autre élément important, c'est une roche de couverture. Quand on injecte le CO2, il va remonter vers la surface. Donc, il faut absolument qu'il y ait une barrière naturelle. Il faut qu'il y ait un chapeau. Exactement. Et ce chapeau, en fait, est une roche qui, elle, est imperméable au CO2. Et le CO2 va rester, en fait, emprisonné dans le réservoir à ce moment-là. Est-ce qu'on est sûr de ça? Parce que je fais juste un parallèle avec le radon, par exemple. On entend que, bon, finalement, du radon, il me semble que, théoriquement, ça émane des roches granitiques, désagrégation de l'uranium. Et pourtant, il en sort dans des sols calcaires ou autres. Donc, ça veut dire que ça voyage. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le CO2? Bon, le mot-clé, c'est celui que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est supercritique. Ah. Il faut comprendre qu'on va avoir un minima de profondeur dans lequel on va pouvoir injecter le CO2 qui est d'environ 800 mètres. En dessous de 800 mètres, la pression dans le sol va être suffisamment élevée pour que le CO2 reste sous sa forme supercritique. Et donc, en étant sous sa forme supercritique, ben, il a l'avantage d'être beaucoup plus doux, d'être beaucoup moins volumineux. Quand on descend en profondeur, la masse volumique du CO2 augmente et donc son volume, le volume qu'il occupe est beaucoup plus petit. Ça fait que ça, c'est intéressant parce que un plus petit volume va contenir plus de CO2 qu'à la surface quand on l'envoie dans la profondeur. Donc on injecte le CO2. Effectivement, il va avoir tendance à remonter. Parfois, sur du plus long terme, il va y avoir une réaction avec la roche puis former un carbonate. Puis là, le carbonate, ça, c'est très stable. Mais effectivement. Mais ça, sur du stockage géologique, c'est des choses qui sont sur plusieurs centaines d'années, voire sur du très long terme. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de savoir si le CO2 va rester dans le sous-sol, c'est un peu tout le savoir-faire qui vient de l'industrie du pétrole, puis effectivement de tout ce qui a été fait en récupération assistée de pétrole gaz, puis on y reviendra peut-être. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de données qui nous permettent d'avoir des modèles de prédiction de comment va se comporter le CO2. Donc la clé du réservoir, c'est premièrement de bien connaître son réservoir. Donc il y a une phase de caractérisation qui est non négligeable, c'est même sûrement l'élément le plus long. Donc avant d'injecter du CO2, il y a un cahier des charges qui est connu, qui est mis en place, qui a été mis en place et qui a été utilisé par tous les projets qui injectent aujourd'hui du CO2 dans le sous-sol. Donc qui permet de définir si le réservoir il est intéressant, est-ce que on peut effectivement injecter, combien on peut en injecter là, donc ce qu'on parle d'injectivité, qu'il est sûr effectivement que cette roche couverture elle va bien jouer son rôle, puis comment est-ce que le gaz va se diffuser à travers le réservoir au fur et à mesure de l'injection. Donc ça, c'est le avant, mais ça reste que ces modèles-là aujourd'hui, le premier projet d'injection pour le stockage géologique dédié, il remonte en 1996 en Norvège, dans un ancien réservoir de gaz. Ce site-là, il est suivi encore aujourd'hui, il y a même encore l'injection qui est faite, et puis on n'observe pas de fuite de CO2. Donc ces éléments-là permettent aujourd'hui d'avoir suffisamment de recul et de pouvoir mieux prédire comment est-ce que le gaz va réagir. Ok, donc là, Louis César, vous avez dit il y a deux types de sous-sols où on peut, il y a trois types de sous-sols où on peut injecter le CO2. Donc c'est les aquifères salins, les vieux puits de aquifères salins profonds, un ancien réservoir de pétrole ou de gaz ou de charbon. Des veines de charbon. D'accord. Ouais. C'est à peu près les principaux. Si on envoie ça dans un aquifère salin, finalement, il reste là et puis c'est tout. On n'en fait rien. Bah effectivement, c'est l'idée. Hein. On veut que Ouais. le gaz reste là où il est. La fuite n'est pas impossible, ça, on va aussi Ouais. le dire. Donc il y a des outils de suivi qui permettent de voir effectivement comment le gaz se déplace une fois qu'il est injecté, qui sont des outils de suivi géophysique ou même géochimique. À la surface, on peut aller voir des anomalies, par exemple de gaz, pas nécessairement de CO2, mais le CO2, s'il remonte, va amener d'autres gaz et donc on va avoir une anomalie par rapport au niveau de base. Fait que ça, ce sont des outils qui existent, qui sont développés, qui sont connus, qui permettent de suivre, de s'assurer qu'il n'y a effectivement pas de remontée du CO2 à la surface. Par contre, si on l'envoie dans d'anciens puits de pétrole, j'imagine qu'il y a une finalité. La finalité, il faut que le puits de pétrole soit vide. Puis il faut comprendre que le puits de pétrole ou de gaz, l'ancien puits de pétrole ou de gaz, il est très intéressant parce que pendant de nombreuses années, je ne vais pas m'étaler sur le chiffre, mais il a garder du gaz ou du pétrole. Donc, on sait que ce réservoir-là, il est bon dans le sens qu'il a gardé, il a resté, du moins, le gaz et Ah le oui, pétrole est resté ok. Il a emprisonné. déjà fait ses preuves. Exactement. La difficulté, c'est que si on en a fait plein de trous avec des pailles pour aller chercher le pétrole et le gaz, les pailles étant Ouais. des fuites potentielles, la majeure. Mais on peut les boucher. Il faut s'assurer de bien les boucher. Puis ça, c'est un élément Ah, clé. Donc, ok. effectivement, la plupart des fuites vont arriver au niveau des puits d'injection ou de suivi, parce Ok. qu'on va pouvoir faire des puits pour s'assurer pour voir si le CO2 arrive là ou autre. Donc c'est là qu'est l'élément principal. Donc c'est facile c'est comme un endroit assez précis. Il faut aussi comprendre qu'on est effectivement à minimum 800 mètres de profondeur. Un aquifère salin profond, on parle de plusieurs kilomètres, 1 à 3 km de profondeur. Donc d'ici le temps que le CO2 remonte à la surface, il va traverser différentes couches, potentiellement perméable, mais d'autres imperméables. La difficulté, c'est la fracture, c'est la faille qui, elle, va pouvoir éventuellement laisser un passage. Donc, soit la faille existe, on s'assure qu'elle est à un endroit où le CO2 n'ira pas, soit elle est induite par un tremblement de terre. Donc, on se comprend que injecter du CO2 dans la Californie n'est vraiment pas une bonne idée. Donc, on va choisir des endroits qui sont majoritairement des bassins sédimentaires. Et c'est entre autres le cas de l'ouest du pays, l'Alberta, la Ah ouais. Saskatchewan, c'est un bassin sédimentaire. C'est le cas aussi du Midwest américain. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de projets de capture, de stockage du CO2 dans ces régions-là. Mais j'avais l'impression aussi que l'idée de stocker, de séquestrer du carbone dans les anciens puits de pétrole ou de gaz, c'était pour récupérer, extraire du pétrole qu'on n'arrive plus à extraire par les méthodes, conventionnelles. Effectivement. Donc, on peut remonter jusqu'en 1970 où aux États-Unis, on utilisait du CO2 qui était capté pour améliorer la récupération, la Ouais. production d'un puits de pétrole. Effectivement, le CO2, il a cette tendance à mieux diffuser à travers la roche et le réservoir, en fait. Donc, quand on exploite un puits de pétrole, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va injecter un fluide qui va pousser le pétrole vers un puits de récupération. Donc, on comprend que si le CO2 est un meilleur fluide qui va aller chercher le pétrole dans plus de ports, etc., donc il y a un meilleur rendement sur le puits. Donc, c'est ce qui a amené, en fait, beaucoup d'utilisation de l'injection du CO2 pour récupérer du pétrole. Bien sûr, dans un but purement économique, dans le sens que là, Donc ça ici, on permet est. de rentabiliser l'opération de captation, transport et injection. Donc, effectivement. Donc, au début, c'était vraiment juste une question de production de pétrole, mais avec le temps, ça s'est répandu aussi dans un objectif de prendre du CO2 qui, effectivement, a été capté d'une source industrielle dans la plupart des cas, dans le but de récupérer du pétrole ou du gaz. Donc, c'est effectivement une approche qui permettait d'amener une économique positive, puisque effectivement aujourd'hui, même si on a des taxes ou des bourses du carbone qui donnent un prix à la molécule de CO2, il n'en reste pas moins qu'il y a plus de coûts associés à la capture et au stockage du carbone qu'on en a, mettons, par la taxe ou la bourse du carbone. Donc, dans un premier temps, c'était quelque chose qui permettait d'avoir une économique positive. Ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, qui est un très gros, ou du moins un pays où il y a beaucoup de projets de capture et de stockage du carbone, mais c'est qu'il y a une évolution. Les politiques, du gouvernement Biden offrent aujourd'hui une opportunité à des entreprises d'avoir beaucoup plus de revenus en ne faisant que du stockage géologique qu'en faisant de la récupération assistée de pétrole. Ah oui. Donc le transfert, il se fait au niveau plus politique, donc justement de générer une valeur ajoutée, puisqu'effectivement, si on envoie du CO2 dans le sous-sol et qu'on veut qu'il reste, il n'a aucune valeur, donc c'est effectivement à perte. Donc il faut avoir un petit coup de pouce pour y aller. Exactement. Donc finalement, ce carbone qu'on capte, on le capte où? De quelles émissions industrielles? Donc, ce que je disais au début, plus il va être concentré, ouais. plus c'est intéressant. Si on regarde un peu le profil industriel au Québec, on a des alumineries, on a des aciéries, mm-hmm. on a des cimenteries, on a des fours à chaud. Commencer par les alumineries, malheureusement, aujourd'hui, une aluminerie émet un gaz, beaucoup de gaz, mais avec très peu de CO2. On parle d'environ 1% de CO2. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'air qui est utilisé pour s'assurer qu'en fait, les cuves sont sous pression négative. Donc, il y a énormément d'air qui est utilisé dans le procédé, ce qui fait que le gaz est extrêmement dilué. Donc, c'est très difficile de mettre en place la capture sur un procédé d'aluminerie, sauf si on diminue la dilution et donc on augmente le pourcentage de carbone, de CO2 dans le gaz. Une aciérie va avoir un gaz qui est un petit peu plus concentré, aux alentours de 10-15%, dépendamment des cheminées. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cheminées sur une aciérie. C'est pas une seule cheminée. Notre élément un peu, en fait, les éléments intéressants qu'on pourra retrouver au Québec comme cheminée pour capturer le CO2, ce sont les cimenteries, les fours à chaud, où là, on a à la fois les émissions de combustion pour générer de la chaleur et calciner le carbonate de calcium, puis quand je calcine du carbonate de calcium, j'émets du CO2. Ouais. C'est ce qui fait que le ciment a un double effet quand on parle d'émissions de carbone. Donc ça, c'est des cheminées intéressantes parce qu'on peut aller chercher jusqu'à 20% de CO2. L'autre élément qui est intéressant au Québec, c'est les pâtes et papiers. Oh. On a aussi un CO2 qui est assez concentré. Et là, l'avantage, c'est que généralement, ce CO2-là, il vient de biomasse. Donc, c'est la combustion d'une biomasse qui va générer du CO2. Et donc, si je capte ce CO2-là, j'ai ce qui s'appelle une émission négative. Oh. Puisqu'effectivement, la biomasse, quand elle se dégrade, enfin, généralement, ça dépend des conditions, mais soit émettre du CO2 ou du méthane. Donc, si je vais capter et stocker ce CO2-là qui aurait naturellement été émis, on va parler effectivement d'émissions négatives. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher le CO2 à ses sources industrielles. On le transporte jusqu'à un site de séquestration. Donc, je comprends que ce n'est pas juste de la théorie, il y a déjà des projets. Est-ce qu'on a du recul pour voir si ça fonctionne bien finalement ? Est-ce qu'on peut compter là-dessus ? Effectivement, là, je le disais, le premier projet de stockage géologique dédié, donc c'est en Norvège, à Sleipner, dans la mer du Nord. Si je regarde au Canada, on a à peu près 6 millions de tonnes de CO2 par année qui sont captées et stockées. La plupart du temps pour de la récupération assistée de pétrole et de gaz. Puis quand je parlais tout à l'heure des États-Unis, où il y a un changement, où on voit beaucoup de projets qui auparavant étaient pour la récupération assistée, qui aujourd'hui sont pour du stockage dédié. Au Canada, malheureusement, on n'a pas une volonté, une force politique qui permette de justement mettre en place plus de projets de stockage. Fait qu'on parle à peu près de 2 millions de tonnes sur les 6. Peut-être que les pétrolières, elles ne seraient peut-être pas contentes de voir le CO2 partir ailleurs que dans leur propre vieux puits. Effectivement, mais ça, c'est tout le défi d'effectivement. Ces technologies-là sont essentiel pour l'atteinte de la carboneutralité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IPCC. Là-dessus, il faut rester là-dessus. Du moins, il y a un consensus. Faut arrêter de dire que ces technologies-là ne valent pas la peine. Il va falloir le faire. Par contre, elles ne sont pas magiques. Donc, dans le sens qu'elles ne vont pas remplacer toutes les autres, et elles ne vont surtout pas remplacer notre nécessité de faire une transition énergétique, de sortir du pétrole et du gaz. Pour justement avoir une économie qui est décarbonée. Donc, si je regarde, je vais revenir à nouveau au Québec, Danski a sorti un rapport en 2021 et on parle d'à peu près 6 millions et 16 millions de tonnes de CO2 de capter. Donc, c'est pas un gros volume. Le gros effort, il va être à faire au niveau du transport, au niveau des bâtiments, etc. Donc, ça reste que c'est une des technologies dont on va avoir besoin. Mais c'est loin d'être la seule et encore moins celle qui va nous permettre de résoudre tous nos problèmes. Et donc, si on revient à l'histoire des pétrolières, je vois un peu mal comment est-ce qu'on peut arriver à faire une transition si effectivement on pense que ces technologies-là vont nous permettre de continuer d'exploiter nos sources de pétrole et de gaz au Canada. Oui, parce que bon, là, vous avez parlé de l'IPCC, mais en fait, c'est le GIEC. Oui, exactement. C'est le GIEC. Donc, ce que dit le GIEC, en fait, c'est qu'on va avoir besoin de ces techniques-là, de ces captures, séquestration du carbone, mais pour capter le CO2 résiduel qu'on n'aura pas réussi à éliminer par d'autres moyens. C'est ce que je comprends du GIEC. Et là, la question qu'on peut se poser, si on utilise cette technologie pour récupérer du pétrole, on peut se demander quel est le bilan en CO2. Est-ce qu'on capte, quel est le rapport entre le CO2 qu'on réussit à séquestrer et le CO2 qui va résulter de l'extraction de pétrole qu'on va utiliser, etc. Bon, faut comprendre qu'il y en a qui vont dire c'est bon, il y en a qui vont dire c'est moins bon. La finalité est qu'on doit sortir des émissions de ces combustibles-là. Donc, la récupération assistée était jusqu'à présent une façon que de permettre de mieux comprendre comment le CO2 va se diffuser dans un réservoir, de faire évoluer les modèles, de faire évoluer les connaissances. Et c'est quelque chose sur lequel on peut se baser aujourd'hui pour faire du stockage dédié. Donc, on a appris. Ça nous a au moins permis d'apprendre. Maintenant, il faut effectivement faire une transition nette, c'est-à-dire que la récupération assistée de pétrole et de gaz avec du CO2, sûrement pas, ou du moins ce n'est pas la solution si on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réponse est sûrement non. Donc il faut effectivement avoir une transition, puis se donner les moyens, que ce soit politique, mais donc avoir un levier économique avec un prix, soit par une bourse, soit par une taxe, qui permette de justement avoir pas uniquement un coût associé à la capture, au transport et au stockage du carbone. Donc ça, c'est un moyen de séquestrer le carbone. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres? Au lieu de le mettre dans le sol, est-ce qu'on peut faire autre chose avec le carbone qu'on a capté aux sources industrielles? Donc là, à la limite, on va tomber dans le volet U là, qu'on a laissé de côté. Donc effectivement, l'utilisation du carbone est, encore une fois, n'est pas un sujet très nouveau dans le domaine de la recherche. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à la question depuis les années 70. Je mentionnais entre autres le CO2 supercritique utilisé pour décaféiner le café. Donc, on a des usages du CO2. Le problème, c'est qu'il va falloir boire beaucoup de café aussi. Boire beaucoup de café ou de boissons gazeuses, parce qu'effectivement, c'est une des utilisations. La machine à boissons gazeuses qu'on peut avoir chez soi, c'est une cartouche de CO2 qu'on utilise. Sauf qu'il faut comprendre que c'est une toute petite cartouche. Donc, effectivement, le marché, les volumes aujourd'hui de CO2 qui sont utilisés pour l'usage ou du moins dans un aspect plus commercial, le volume, il est très, très petit par rapport à ce qu'on doit aller éventuellement chercher sur une cheminée ou ce qu'on a besoin, en fait, de réduire en termes d'utilisation. Donc, la difficulté, elle est essentiellement de créer des marchés qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, on peut, si on parle d'utilisation du carbone, je vais en mentionner deux principales. La première est donc d'en faire des carbonates, la minéralisation, puis c'est ce sur quoi notre équipe travaille entre autres, d'utiliser un résidu industriel inorganique qui permet de faire la réaction avec le CO2, de former un carbonate. Le CO2 gazeux est donc maintenant solide et il est stable et inerte, puis de créer un produit avec une valeur ajoutée. Donc le CO2, on peut le mettre dans le ciment. En fait, le ciment réagit naturellement avec le CO2, on appelle ça de la carbonatation. Donc on peut faire en fait des mélanges pré-carbonatés de ciment. Donc c'est-à-dire que le ciment, plutôt que de réagir avec le CO2 auquel il va être exposé, si c'est un bâtiment extérieur par exemple, on va le faire réagir en premier lieu avec le CO2, puis s'assurer qu'on a capté le CO2 là-dedans. Donc ça, c'est une première approche. On peut faire des agrégats par exemple, des produits avec une valeur ajoutée à utilisation dans le domaine essentiellement de la construction. On peut aussi, l'autre élément d'utilisation qu'on peut regarder, c'est la transformation du CO2 en carburant, par exemple des carburants de synthèse. Où donc là, on a un léger défi, c'est que ça nous prend de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir ajouter de l'énergie pour que le CO2 aille se lier avec de l'hydrogène pour faire des chaînes carbonées. Et l'idée après, c'est de pouvoir avoir des carburants de synthèse, donc de l'éthanol, du méthanol, qui peuvent être ensuite des précurseurs à d'autres choses, comme des produits chimiques, par exemple. Donc là, si je comprends, vous travaillez sur la carbonatation, donc je ne sais pas si on appelle ça la séquestration, mais la séquestration du CO2 par la carbonatation pour faire des résidus ou autres. Des produits une valeur ajoutée, effectivement. Ouais, donc c'est ce sur quoi notre équipe travaille à l'INRS depuis un peu plus de 10 ans maintenant. On travaille beaucoup avec les résidus miniers des régions de Thetford Mines et Asbestos, donc les anciennes mines d'amiante. Ces matériaux-là, ils contiennent beaucoup de magnésium, on le sait déjà, mais ils sont aussi des puits de carbone naturels, c'est-à-dire qu'ils vont réagir avec le CO2. Le gros défi qu'on a dans ce domaine de recherche-là, c'est de trouver une façon d'accélérer la cinétique, la vitesse de la réaction entre le CO2 et notre matériel, elle est globalement très lente. Donc, pour y arriver, pour l'accélérer, j'ai deux options. La première, c'est de la chaleur, de l'énergie thermique ou de l'énergie chimique. donc des produits chimiques dans les deux cas. Donc la difficulté de trouver une façon de faire qui soit peu énergivore, la plus efficace possible sans être trop énergivore, puis à la fin d'arriver avec un produit qui a une certaine valeur ajoutée, donc de lui trouver un marché. Puis c'est là où c'est effectivement aussi un peu complexe, parce qu'on n'a pas forcément une économie où on n'a pas forcément un marché qui est prêt à prendre les produits qui vont sortir de là. Donc c'est effectivement là où le mot recherche prend tout son sens, puis là où c'est intéressant de travailler là-dedans. Ben, je crois qu'il va falloir revenir nous en parler. Avec plaisir. Alors merci beaucoup Louis-César. Ça fait plaisir. Donc nous étions en compagnie de Louis-César Pasquier qui est professeur au Centre Eau-Terre-Environnement à l'INRS ici même à Québec.